Si tu me vois à Fort-de-France, ne demande pas au oh, oh. Mama hey, hey. Mama oh. Sur ces trois.